Mais monsieur de Guersin, les yeux en l'air, s'écria. Là-haut, sur ce balcon, n'est-ce pas ces gens très riches qui ont voyagé avec nous? Vous savez bien, cette jeune dame malade, accompagnée de son mari et de sa sœur. Il parlait des dieux la fée. Et en effet, c'était eux, au balcon de l'appartement qu'ils avaient loué, dans une maison neuve, dont les fenêtres donnaient sur les pelouses du rosaire. Ils occupaient là le premier étage, meublé avec tout le luxe que Lourdes avait pu fournir. Des tapis, des rideaux, sans compter le personnel de domestique envoyé à l'avance de Paris. Et, comme il faisait beau temps, on avait roulé au plein air la malade, allongée dans un grand fauteuil. Elle était vêtue d'un peignoir de dentelle. Le mari, toujours en redingote correcte, se tenait debout à sa droite, tandis que la sœur, habillée divinement en mauve clair, s'était assise à sa gauche, souriant et se penchant vers elle parfois pour causer, sans recevoir de réponse. « Oh !» raconta la petite madame des agneaux. « J'ai entendu souvent parler de madame Jousseur, cette jeune dame en mauve. Elle est la femme d'un diplomate, qui la délaisse malgré sa grande beauté. Et l'on a causé beaucoup l'année dernière de la passion qu'elle a eue pour un jeune colonel, bien connue du monde parisien. Mais les salons catholiques affirment qu'elle a triomphé, grâce à la religion. » Tous restaient la face en l'air, regardant. « Dire, continua-t-elle, que sa sœur, la malade que vous voyez là, était son vivant portrait. Mais elle avait dans le visage un air de bonté et de gaieté beaucoup plus doux. Maintenant, regardez. C'est une morte au soleil, une chair réduite, livide et sans eau, qu'on n'ose bouger de place. Ah, la malheureuse !» Raymonde, alors, assura que madame Dieu la fée, mariée depuis 3 ans à peine, avait apporté tous les bijoux de sa corbeille pour en faire don à Notre-Dame de Lourdes. Et Gérard confirma le détail. On lui avait dit le matin que les bijoux venaient d'être remis au trésor de la basilique, sans parler d'une lanterne d'or enchâssée de pierreries et d'une grosse somme d'argent destinée aux pauvres. Mais la Sainte Vierge ne devait pas s'être laissée toucher encore, car l'état de la malade semblait empirer plutôt. Et dès ce moment, Pierre ne vit plus que cette jeune femme, à ce balcon luxueux, cette créature pitoyable dans sa grande fortune, dominant la foule en liesse, le Lourde en train de godailler et de rire au beau ciel du dimanche. Les deux êtres chers qui la veillaient si tendrement, la sœur qui avait quitté ses succès de femme adorée, le mari, oublieux de sa banque, dont les millions roulaient aux quatre coins du monde, ajoutaient par leur correction irréprochable à la détresse du groupe qu'ils formaient, là-haut, au-dessus de toutes les têtes, en face de l'admirable vallée. Il n'y avait plus qu'eux, et ils étaient infiniment riches, infiniment misérables. Mais les saints promeneurs, qui s'attardaient au milieu de l'avenue, manquaient d'être écrasés à toute minute. Sans cesse, des voitures arrivaient par les larges voies, surtout des landaus attelés à 4, conduits grand train et dont les grelots sonnaient joyeusement. C'étaient les touristes, les baigneurs de Pau, de Barège, de Cauterets, que la curiosité amenait, ravis du beau temps, égayés par la course vive au travers des montagnes. Et il ne devait rester que quelques heures, ils couraient à la grotte, à la basilique, en toilette de plage, puis repartaient avec des rires, contents d'avoir vu ça. Des familles vêtues de clair, des bandes de jeunes femmes aux ombrelles éclatantes circulaient ainsi parmi la foule grise et neutre du pèlerinage qu'elles achevaient de changer en une cohue de fêtes foraines où le beau monde daigne venir s'amuser. Tout d'un coup, madame des agneaux jeta un cri. « Comment ? C'est toi, Berthe ?» Et elle embrassa une grande brune, charmante, qui descendait d'un landau avec 3 autres jeunes dames, très rieuses, très animées. Les voix se croisaient, de petits cris, tout un ravissement à se rencontrer de la sorte. « Mais ma chère, nous sommes à Cauterets. Alors nous avons fait la partie de venir toutes les quatre, comme tout le monde. Et ton mari est ici avec toi ?» Madame des Agneaux se récria. « Eh non, il est à Trouville, tu sais bien. J'irai le rejoindre jeudi. »« Oui, oui, c'est vrai, » reprit la grande brune, qui avait aussi l'air d'une aimable étourdie. « J'oubliais, tu es avec le pèlerinage. »« Et dis donc !» Elle baissa la voix à cause de Raymonde, demeurée là, souriante. « Dis donc, ce bébé en retard, l'as-tu demandé à la Sainte Vierge ?» Un peu rougissante, Madame des Agneaux la fit taire en lui disant à l'oreille. « Sors toutes, depuis 2 ans, et bien ennuyée, je t'assure, de ne rien voir venir. Mais cette fois, je crois que ça y est. Oh, ne ris pas, j'ai senti positivement quelque chose, ce matin, quand j'ai prié à la grotte. » Le rire pourtant la gagna. Toutes s'exclamaient, s'amusaient comme des folles. Et immédiatement, elle s'offrit pour les piloter, promettant de leur faire tout voir en moins de 2 heures. « Venez donc avec nous, Raymonde, votre mère ne s'inquiétera pas. » Il y eut des saluts échangés avec Pierre et Monsieur de Guersin. Gérard, lui aussi, prit congé, serra la main de la jeune fille, d'une pression tendre, les yeux dans les siens, comme pour s'engager de façon définitive. Puis, ces dames s'éloignèrent, se dirigèrent vers la grotte, et elles étaient 6, heureuses de vivre, promenant le charme délicieux de leur jeunesse. Lorsque Gérard, à son tour, fut parti de son côté, retournant à son service, M. de Guersin dit à Pierre « Et notre coiffeur de la place du Marcadal, il faut pourtant que j'aille chez lui. Vous m'accompagnerez toujours, n'est-ce pas ?»« Sans doute, où vous voudrez. Je vous suis, puisque Marie n'a pas besoin de nous. » Ils gagnèrent le Pont-Neuf, par les allées des vastes pelouses qui s'étendent devant le Rosaire. Et là, ils firent encore une rencontre, celle de l'abbé des Hermoises, en train de guider 2 jeunes dames arrivées le matin de Tarbes. Il marchait au milieu d'elles, de son air galant de prêtre mondain, et il leur montrait, leur expliquait, lourde, en leur en évitant les côtés fâcheux, les pauvres, les malades, toute l'odeur de basse misère humaine, qui en avait presque disparu par cette belle journée ensoleillée. Au premier mot de M. de Guersin, qui lui parlait de la location de la voiture pour l'excursion de Gavarnie, il dut avoir peur de quitter ses jolies promeneuses. « Comme il vous plaira, cher monsieur, chargez-vous de ces choses, et vous avez bien raison, au plus juste prix, car j'aurai avec moi 2 ecclésiastiques peu fortunés. Nous serons 4. Ce soir, faites-moi seulement dire l'heure du départ. » Et il rejoignit ces dames. Il les emmena vers la grotte, en suivant l'allée ombreuse qui borde le Gave, une allée fraîche et discrète d'amoureux. Pierre s'était tenu à l'écart, là, s'adossant au parapet du Pont-Neuf. Et, pour la première fois, le pullulement extraordinaire des prêtres, parmi la foule, le frappait. Il les regarda passer, innombrables, sur le pont. Toutes les variétés défilaient devant lui. Les prêtres corrects, arrivés avec le pèlerinage, que l'on reconnaissait à leur assurance et à leur soutane propre. Les pauvres curés de campagne, plus timides, mal vêtus, ayant fait des sacrifices pour venir, marchant par les rues effarés. Enfin, la nuée des ecclésiastiques libres, tombés à Lourdes, on ne savait d'où, y jouissant d'une liberté absolue, sans qu'il fût même possible de constater s'ils disaient leur messe chaque matin. Cette liberté devait leur paraître d'une telle douceur que, certainement, le plus grand nombre, comme l'abbé des Hermoises, se trouvait là, en vacances, délivré de tout devoir, heureux de vivre ainsi que de simples hommes, grâce à la cohue dans laquelle ils disparaissaient. Et, depuis le jeune vicaire soigné, sentant bon, jusqu'au vieux curé en soutane sale, traînant des savates, l'espèce entière était représentée. Les gros, les gras, les maigres, les grands, les petits, ceux que la foi amenait brûlant d'ardeur, ceux qui faisaient simplement leur métier en braves gens, ceux encore qui intriguaient, qui ne venaient là que par sage politique. Pierre restait surpris de ce flot de prêtres passant devant lui, chacun avec sa passion particulière, courant tous à la grotte, comme on va à un devoir, à une croyance, à un plaisir, à une corvée. Il en remarqua un, très petit, mince et noir, au fort accent italien, dont les yeux luisants semblaient lever le plan de Lourdes, pareil à ces espions qui battent le pays avant la conquête. Et il en vit un autre, énorme, à l'air paterne, soufflant d'avoir trop mangé, qui s'arrêta devant une vieille femme malade et finit par lui glisser 100 sous dans la main. Monsieur de Guersin le rejoignait. « Nous n'avons qu'à prendre par le boulevard et par la rue Basse, » dit-il. Il le suivit sans répondre. Lui-même venait de sentir sa soutane sur ses épaules, et jamais il ne l'avait promenée si légère qu'au milieu de cette bousculade du pèlerinage. Il vivait dans une sorte d'étourdissement et d'inconscience, espérant toujours le coup de foudre de la foi, malgré le sourd malaise qui grandissait en lui au spectacle des choses qu'il voyait. Et le flot croissant des prêtres ne le blessait plus. Il retrouvait une fraternité pour eux. Combien, sans croire, remplissaient comme lui honnêtement leur mission de guide et de consolateur. Monsieur de Guersin haussa la voix. « Vous savez que ce boulevard est neuf. Ce qu'on a bâti de maisons depuis 20 ans est inimaginable. Il y a là, véritablement, toute une ville nouvelle. » Le Lapaca coulait à droite, derrière les maisons. Ils eurent la curiosité de s'engager dans une ruelle et ils tombèrent sur de vieilles bâtisses curieuses qui bordaient le mince ruisseau. Plusieurs anciens moulins alignaient leurs roues. On leur montra celui que Monseigneur Laurence avait donné aux parents de Bernadette, après les apparitions. On faisait aussi visiter là une masure, la prétendue maison de Bernadette, celle où s'étaient installés les soubirous en quittant la rue des Petits Fossés, et dans laquelle la jeune fille, déjà en pension chez les sœurs de Nevers, n'avait dû coucher que rarement. Enfin, par la rue Basse, ils atteignirent la place du Marcadal. C'était une longue place triangulaire, la plus animée et la plus luxueuse de l'ancienne ville, celle où se trouvaient les cafés, les pharmaciens, les belles boutiques. Et entre toutes, une éclatait, peinte en vert clair, garnie de haute glace, surmontée d'une large enseigne portant en lettres d'or « Casaban coiffeur ». Monsieur de Guersin et Pierre étaient entrés. Mais il n'y avait personne dans le salon de coiffure. Ils durent attendre. Un terrible bruit de fourchette venait de la pièce voisine, l'ordinaire salle à manger, changée en table d'hôte, et où déjeunaient une dizaine de personnes, bien qu'il fût 2 heures déjà. L'après-midi s'avançait, on mangeait toujours, d'un bout à l'autre de Lourdes. Ainsi que tous les autres propriétaires de la ville, quelles que fussent leurs opinions religieuses, Casaban, pendant la saison des pèlerinages, louait sa propre chambre, abandonnait sa salle à manger pour se réfugier à la cave, où il mangeait, dormait, s'empilait avec sa famille, dans un trou sans air de 3 mètres carrés. C'était une rage de négoce. La population disparaissait, comme celle d'une cité conquise, en livrant aux pèlerins jusqu'au lit des femmes et des enfants, les asseyant à leur table, les faisant manger dans leurs assiettes. « Il n'y a personne ?» cria Monsieur de Guersin. Enfin, un petit homme parut, le type du Pyrénéen vif et noueux, à la face longue, aux pommettes saillantes, le teint hâlé, éclaboussé de rouge. Ses gros yeux luisants ne restaient jamais immobiles, et il y avait, dans toute sa maigre personne, un frémissement, une exubérance continue de gestes et de paroles. « C'est pour monsieur, une barbe, n'est-ce pas ? Je demande pardon à monsieur, mais mon garçon est sorti, et j'étais là avec mes pensionnaires. Si monsieur veut s'asseoir, je vais lui expédier ça tout de suite. » Et Casaban, daignant opérer en personne, battait le savon, affilait le rasoir. Il avait eu un coup d'œil inquiet sur la soutane de Pierre, qui, sans dire un mot, s'était assis et avait ouvert un journal dans lequel il semblait plongé. Il y eut un silence. Mais Casaban en souffrit tout de suite, et, comme il couvrait de savon le menton de son client, « Imaginez-vous, monsieur, que mes pensionnaires se sont oubliés si tard à la grotte qu'ils déjeunent à peine. Vous les entendez. Je restais avec eux, par politesse. Mais, n'est-ce pas, je me dois aussi à mes clients. Il faut bien contenter tout le monde. » Alors monsieur de Guersin, qui aimait également à causer, le questionna. « Vous logez des pèlerins ?»« Oh, monsieur, nous en logeons tous !» répondit simplement le coiffeur. « C'est le pays qui veut ça !»« Et vous les accompagnez à la grotte ?» Du coup, Casaban se révolta, le rasoir en l'air, très digne. « Jamais, monsieur, jamais ! Voilà 5 ans que je ne suis pas descendu dans cette ville nouvelle qu'ils bâtissent !» Il se retenait encore. Il regarda de nouveau la soutane de Pierre, disparue derrière le journal, et la vue de la croix rouge, épinglée sur le veston de monsieur de Guersin, le rendait prudent. Mais sa langue l'emporta. « Écoutez, monsieur, toutes les opinions sont libres. Je respecte la vôtre. Mais je ne donne pas dans ces fantasmagories, moi. Et je ne l'ai jamais caché. Sous l'Empire, monsieur, j'étais déjà républicain et libre-penseur. Nous n'étions pas 4 dans la ville à cette époque. Oui, je m'en fais gloire. » Il avait attaqué la joue gauche. Il triomphait. Dès ce moment, ce fut un déluge de paroles, intarissable. D'abord, il reprit les accusations de majesté contre les pères de la grotte. Le trafic sur les objets religieux, la concurrence déloyale faite aux marchands, aux hôteliers et aux loueurs. Ah, les sœurs bleues de l'Immaculée Conception, il les avait aussi en grande haine, car elles lui avaient pris 2 locataires, 2 vieilles dames qui passaient à Lourdes 3 semaines par an. Et l'on sentait en lui, surtout, la rancune lentement amassée, aujourd'hui débordante, de la vieille ville contre la ville neuve, cette ville poussée si vite de l'autre côté du château, cette riche cité aux maisons grandes comme des palais, où allait toute la vie, tout le luxe, tout l'argent, de sorte qu'elle grandissait et s'enrichissait sans cesse. Tandis que l'aînée, l'antique ville pauvre des montagnes, achevait d'agoniser avec ses petites rues désertes où l'herbe poussait. La lutte continuait pourtant. La ville ancienne ne voulait pas mourir, tâchait de forcer au partage son ingrate sœur cadette, en logeant des pèlerins, en ouvrant des boutiques, elle aussi. Mais les boutiques ne s'achalandaient qu'à la condition d'être près de la grotte, de même que les pèlerins pauvres consentaient seuls à loger au loin. Et ce combat inégal aggravait la rupture, faisait 2 ennemis irréconciliables de la ville haute et de la ville basse, qui se dévoraient sourdement en continuelles intrigues. « Ah, certes non, ce n'est pas moi qu'on verra à leur grotte !» reprit Casaban de son air rageur. « En abusent-ils de leur grotte? La mettent-ils assez à toutes les sauces ? Une pareille idolâtrie, une superstition si grossière au 19e siècle ? Demandez-leur donc si, depuis 20 ans, ils ont guéri un seul malade de la ville. Nous avons pourtant assez d'estropiés dans nos rues. Au début, ce furent des gens d'ici qui bénéficièrent des premiers miracles. Mais il paraît que, depuis longtemps, leur eau miraculeuse a perdu toute vertu pour nous. Nous sommes trop près et il faut venir de loin si l'on veut que ça agisse. Vrai, c'est trop bête. Vous ne me feriez pas descendre là-bas pour 100 francs. » L'immobilité de Pierre devait l'irriter. Il venait de passer à la joue droite. Il concluait furieusement contre les pères de l'Immaculée Conception, dont l'âpreté était l'unique cause du désaccord. Ces pères, qui se trouvaient chez eux, puisqu'ils avaient acheté à la commune les terrains où ils voulaient construire, ne respectaient même pas le traité signé avec la ville, car il s'y interdisait formellement tout commerce, la vente de l'eau et des articles de piété. Chaque jour, on aurait pu leur intenter des procès, mais ils s'en moquaient. Ils se sentaient si forts qu'ils ne laissaient plus un seul don aller à la paroisse et que tout l'argent récolté s'amassait, roulait en un fleuve à la grotte et à la basilique. Casaban eut un cri ingénu. « Encore s'ils étaient gentils, s'ils consentaient à partager !» Puis, lorsque monsieur de Guersin, qui se lavait, se fut rassis, « Et si je vous disais, monsieur, ce qu'ils ont fait de notre pauvre ville ?» Les filles y étaient très sages, je vous assure, il y a 40 ans. Je me souviens que dans ma jeunesse, lorsqu'un garçon voulait rire, il n'y avait pas ici plus de 3 ou 4 dévergondés pour le satisfaire. Si bien que les jours de foire, j'ai vu les hommes faire queue à la porte, ma parole d'honneur. Ah bien, les temps sont changés, les mœurs ne sont plus les mêmes. Maintenant, les filles du pays se livrent presque toutes à la vente des cierges et des bouquets. Et vous les avez vues raccrocher les passants, leur mettre de force leurs marchandises dans les mains? C'est une vraie honte que des effrontées pareilles. Elles gagnent beaucoup, se donnent des habitudes de paresse, ne font plus rien l'hiver, en attendant le retour de la saison des grands pèlerinages. Et je vous assure que les garçons coureurs trouvent aujourd'hui à qui parler. Ajoutez la population flottante et louche dont nous sommes envahis, dès les premiers beaux jours. Les cochers, les camelots, les cantiniers, tout un bas peuple nomade suant la grossièreté et le vice. Et vous aurez l'honnête nouvelle ville qu'ils nous ont faite, avec les foules qui viennent à leur grotte et à leur basilique. Pierre, très frappé, avait laissé tomber son journal. Il écoutait. Il avait pour la première fois l'intuition des deux Lourdes, l'ancien Lourdes si honnête, si pieux dans sa tranquille solitude, le nouveau Lourdes, gâté, démoralisé par tant de millions remués, tant de richesses provoquées et accrues, par le flot croissant d'étrangers qui traversaient la ville au galop, par la pourriture fatale de l'entassement, la contagion des mauvais exemples. Et quel résultat, lorsqu'on songeait à la candide Bernadette, agenouillée devant la sauvage grotte primitive, à toute la naïve foi, toute la pureté fervente des premiers ouvriers de l'œuvre. Était-ce donc cet empoisonnement du pays par le lucre et par l'ordure humaine qu'ils avaient voulu? Il suffisait que les peuples vinssent pour que la peste se déclarât. Casaban, en voyant que Pierre écoutait, avait eu un dernier geste de menace, comme pour balayer toute cette superstition empoisonneuse. Puis, silencieux, il acheva de donner un coup de peigne à monsieur de Guersin. « Voilà, monsieur !» Et ce fut alors seulement que l'architecte parla de la voiture. Le coiffeur s'excusa d'abord, prétendit qu'il fallait aller voir son frère au champ commun. Enfin, il consentit à prendre la commande. Un landau à 2 chevaux, pour Gavarni, coûtait 50 francs. Mais heureux d'avoir tant causé et flatté d'être traité d'honnête homme, il finit par le laisser à 40 francs. On était 4, cela ferait 10 francs par personne. Et il fut entendu qu'on partirait dans la nuit, vers 3 heures, de façon à être de retour le lendemain, lundi soir, d'assez bonne heure. « La voiture sera devant l'hôtel des apparitions, à l'heure indiquée, » répéta Casaban de son air d'emphase. « Comptez sur moi, monsieur !» Il tendit l'oreille. Les bruits de vaisselle remuée ne cessaient point au fond de la pièce voisine. On y mangeait toujours, dans ce branle de voracité qui s'élargissait d'un bout de la ville à l'autre. Une voix venait de s'élever, demandant encore du pain. « Pardon !» reprit vivement Casaban. « Mes pensionnaires me réclament !» Les mains grasses du peigne, il se précipita. Comme la porte restait une seconde ouverte, Pierre aperçut, au mur de la salle à manger, des images pieuses, une vue de la grotte surtout, qui le surprirent. Sans doute, le coiffeur ne les accrochait là que pendant les pèlerinages pour faire plaisir à ses hôtes. Il était près de 3 heures. Dehors, Pierre et Monsieur de Guersin furent étonnés du grand bruit de cloche qui volait dans l'air. Au premier coup des vêpres, sonné à la basilique, la paroisse venait de répondre. Et maintenant, c'était les couvents, les uns après les autres, qui se joignaient aux sonneries croissantes. La cloche cristalline des Carmélites se mêlait à la cloche grave de l'Immaculée Conception. Toutes les cloches joyeuses des sœurs de Nevers et des Dominicaines tintaient à la fois. Par les beaux jours de fête, des vols de cloches passaient ainsi du matin au soir à pleines ailes sur les toitures de Lourdes. Et rien n'était plus gai que cette chanson sonore dans le grand ciel bleu, au-dessus de cette ville gloutonne qui avait enfin déjeuné, promenant son heureuse digestion au soleil.